L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On va parler de patinage de vitesse sur courte-piste. C'était la première tranche à Calgary au cours du week-end. Et on parle avec notre ami de François-Olivier Robert, le chroniqueur de patinage de vitesse. Salut François. Salut. François, c'était une mauvaise journée au bureau, comme on pourrait dire, hein? Ben, en fait, ça s'est passé de deux façons. Les jeunes ont super bien fait. OK. Et ceux qu'on attend depuis quelques années, Marianne Saint-Gelais, Charles Hamelin, ont pas eu une très bonne fin de semaine. En fait, Marianne a eu une médaille au premier 500 mètres, une médaille d'argent, mais déjà là, elle-même, elle l'a dit, là, c'était une médaille au goût amer un peu, parce que une médaille, mais en tombant. Cassandra Bradet était dans la même course qu'elle, puis Cassandra a essayé de dépasser l'Italienne Arianna Fontana, elle a manqué son coup, Fontana est tombée, puis elle a amené Marianne dans sa chute. Bref, Marianne est tombée, puis elle a eu une médaille quand même, puis le reste du week-end n'a pas bien été, là. Dimanche, Marianne, dans sa finale, dans sa demi-finale du 1000, ou c'est-tu la demi? Ouais, c'est la demi-finale du 1000 qu'elle a presque pas patiné, là. Elle a dit qu'elle avait un malaise, en fait, là. Je pense qu'elle a commencé en tout cas, je sais pas si c'était un rhume, en tout cas, elle était pas très bien. Puis, pour Charles, il y a eu des chutes, ça a été plus, il s'est fait accrocher. Ça a vraiment pas été une fin de semaine facile pour lui. Ça faisait, depuis, je pense, le début de saison, pas l'année dernière, mais l'autre début de saison d'avant, il faut remonter à ça. Donc, presque deux saisons avant de voir une Coupe du Monde où Charles Hamelin n'a pas eu de médaille. Donc, c'est sûr qu'on regarde ça et on se dit « Wow, OK, Charles et Marianne, ça a été difficile. » Mais de l'autre côté, les jeunes ont été vraiment étonnants. On le savait que Samuel Girard, on le savait qu'il s'en venait. L'an passé, il était très bon, il y a eu des médailles. On peut-tu dire qu'il fait pas rien que s'en venir, il est arrivé? Ben là, moi c'est ça que j'allais dire. Là, on l'attendait, tu sais, on parlait de lui depuis quelques années, il s'en vient, puis en passant, on dit oh, ok, il est là, puis il avait battu Charles quelques fois, tout ça. Mais là, il est vraiment arrivé, là, pas à peu près, tu sais, il a pas juste. Il a gagné deux médailles en fait. Il a une médaille d'or au 500, puis il a gagné l'argent au 1000. L'argent derrière son coéquipier Charles Cournoyer. Mais Sam, il a pas juste été double médaillé en fin de semaine, il était dominant dans ses courses. Là. Il ressemblait à le Charles Hamelin des meilleurs jours, à des Coréens dominants. Je le trouvais tellement, ça avait l'air facile sur la glace. Quand la course du 1000 mètres dimanche avec Cournoyer était hyper vite aussi. Donc lui et Charles se sont échangés la tête. Mais les deux, ça avait l'air facile. Ils se sont passés un, ils sont passés l'autre, en regardant en arrière, comme on voit des fois là, des Chinois ou des Coréens faire en avant de course, puis qu'on se dit qu'il n'y a rien à faire. Ben c'est ça. Ces deux-là ont été tellement forts. C'est impressionnant de les voir aller, ces deux jeunes-là. OK. Hey, tu vas m'expliquer quelque chose. Je regardais le temps de Marianne. Elle a un temps moins bon que la troisième, je pense, puis elle a fini deuxième. Tu veux-tu m'expliquer quelque chose? L'autre a été disqualifié, je pense. Ah, OK, c'est pour ça. C'est ça qui s'est passé, ouais, je pense que c'est ça, c'était une course bizarre, là. Il était en finale, il était 4, ils ont 3 à chuter, une en avant qui gagne l'or, puis après ça, Marianne qui se fait donner l'argent parce que les deux autres ont été disqualifiés, je pense que c'est ça. Il n'y a pas eu de médaille de bronze dans cette course-là. Okay. Il y a juste or et argent, ouais. Et Cassandra qui a terminé 4e là-dessus. Oui, c'est ça. Cassandra, ce qui est plate, c'est que en demi-finale de cette course-là, en demi-finale du 500, elle a une super course où elle, tu sais, on voit toujours les patineurs à la fin, toute fin, dernier virage, ils essayent d'aller chercher le patineur en avant en étirant le patin à la ligne d'arrivée, là, puis ça marche très, très, très rarement, mais on dit aux patineurs, bon, ça se joue jusqu'à la ligne, il faut aller jusqu'à la ligne. Mais là, Cassandra a fait ça, puis elle a battu l'autre juste en avant d'elle, donc elle est allée gagner sa place en finale de cette façon-là. Puis en finale, ben là, elle a essayé un dépassement, comme je disais tantôt, là, sur l'Italienne qui, Arianna Fontana, là, qu'on connaît le nom, là, qui est une grande championne en courte-piste, qui faisait des entrées de virage en arrière de Marianne. Donc, elle faisait des entrées de virage un peu plus larges, possiblement, pour préparer un dépassement sur Marianne. puis Cassandra a tenté sa chance, donc elle a vu l'opportunité d'aller, puis finalement a accroché Ariana, qui a accroché elle, Marianne, en tombant, donc ça a fait une finale bizarre. C'est plate pour Cassandra, parce que aussi le lendemain, Cassandra s'est étiré un muscle, là. Fait que finalement, elle a pas fait sa finale du 500 aussi. Ouais. Mais elle avait de la vitesse, Cassandra. Là. Moi, c'est ça que je note aussi là pour Valérie aussi, Valérie Maltais, qui a pas connu peut-être son la fin de semaine qu'elle espérait, mais je la trouvais à l'aise sur la glace, moi, Valérie. Je trouvais qu'elle a fini d'ailleurs deuxième de la finale B au 1000 mètres, puis je trouvais qu'elle avait de la rapidité. Moi, je trouve que c'est bien ce que j'ai vu de sa part, puis j'ai hâte de voir dans les prochaines Coupes du Monde qu'elle va faire. En fait, je t'ai dit c'était la deuxième, pas la troisième, mais je l'ai le tableau ici. Là. C'est Kevin Fan qui est terminé au premier rang avec un temps de 43-605. Marianne, deuxième, 42-961. Pourtant, Marianne a un temps plus vite que la première. Que Kevin Fan, la chinoise. C'est ça que je me pose comme question. Ouais, je m'en rappelle pas. Je pensais que la chinoise était la seule qui n'avait pas tombé dans ce course-là. Okay. Puis je sais pas, c'est peut-être le temps de Marianne, c'est une erreur. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça peut être une erreur. Parce que ça c'est sûrement une erreur parce qu'elle a tombé. Fait que c'est sûrement pas ce temps-là, son vrai temps. OK, OK. Valérie Maltais, ouais. Dans son cas. Ouais. Ouais, mais ça, comme je disais, elle a un bon 1000 hier, le dimanche. Elle a fini deuxième de la finale B. Puis au 500 mètres samedi, elle a été pénalisée en ronde de qualification, mais je trouvais qu'elle avait l'air rapide, elle avait l'air d'avoir des jambes. Je savais pas à quoi m'attendre pour Valérie, parce que Valérie a eu un accident de vélo au début de l'été. En fait, elle s'est fait rentrer dedans par une auto, là. Puis elle est tombée, elle a chuté, puis elle s'est fait mal à une hanche, puis elle a dit en entrevue que... Tout l'été, elle avait senti que ça y avait fait mal, qu'elle a pris du retard dans l'entraînement à cause de ça, puis ça l'a inquiété beaucoup. Puis finalement, aux sélections, ça a bien été, donc elle s'est qualifiée pour les Coupes du Monde. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre, puis finalement, je trouvais qu'elle avait l'air en forme, elle avait l'air de patiner super bien, puis bon, ça n'a pas été peut-être les résultats qu'elle espérait, puis elle est tombée aussi dans la finale du relais, donc ça, c'est toujours plate, parce que quand on tombe, on c'est sûr qu'on s'est décevant pour l'équipe. Mais j'ai hâte de voir dans les prochaines Coupes du Monde ce qu'elle va faire, Val, parce que je trouve qu'elle semblait en jambes. Ben, tu sais, elle plafonnait. Je pense que son été d'entraînement a été plus difficile. Puis, ben là, les filles, Marianne, sans dire qu'ils sont vieilles, ils sont pas vieilles, mais ils rajeunissent pas non plus. Non. Mais je peux pas dire qu'elle plafonne, mais son entraînement cet été, ça a été dur à cause de sa blessure. Mais justement, j'ai hâte de voir à force de se remettre de cette blessure-là, puis au cours de l'année, là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans la prochaine Coupe du Monde. OK. Tout ce beau monde s'en va à Salt Lake en fin de semaine? Oui. Tout le monde va à Salt Lake. Les jeunes vont essayer d'être aussi hot, puis les vétérans vont essayer de se reprendre, c'est sûr. Il y a Marie-Ève aussi, on n'a pas Marie-Ève Drolet qui a bien fait. Elle a remporté la finale du 1500 mètres. La finale B du 1500 mètres, pardon. Puis elle aussi, dans son cas, c'était facile. Remporter aisément la finale B du 1500. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire dans les prochaines Coupes du Monde. Mais je pense que le moral de l'équipe, ça doit être... J'ai lu, tu sais, Charles Cournoyer a dit le moral de l'équipe est à son top. Je pense que c'est le cas pour les plus jeunes. J'ai hâte de voir, là, justement, les plus vieux, les vétérans qui sont habitués d'être sur le podium, sont habitués d'être là, sont habitués qu'on parle d'eux. Puis en fin de semaine, c'était pas leur tour. C'était au tour des plus jeunes. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner la fin de semaine prochaine. OK. On se parle de tout ça, quoi, vendredi? Certainement, oui. OK. Notre spécialiste de patinage de vitesse sur courte piste, François-Olivier Robert.